Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, comment nos ancêtres utilisaient-ils leurs cinq sens? Et comment ces cinq sens le permettaient-ils de voir le monde? L'historien du sensible est aux aguets quand commence un voyage qui nous conduit à travers un territoire du vide et un désir de rivage, entre le miasme et la jonquille. Un voyage au son des cloches de la terre où nous croisons des filles de noces et les traces d'un inconnu. Comment nos ancêtres voyaient-ils la mer ou la campagne? Comment leurs perceptions ont pu évoluer avec le temps qui passe, à travers les siècles, à travers les années qui défilent si vite? Et puisqu'une nouvelle année commence, de tout cœur, je vous la souhaite excellente, folle et sereine. Et cette année 2020 commence bien, puisque nous écoutons Alain Corbin. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous voyageons en compagnie d'historiens et d'historiennes, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet lecoursdelhistoirefranceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Aujourd'hui, avec vous, Alain Corbin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste du 19e siècle et de l'histoire des sensibilités. Alain Corbin, en historien, vous avez changé la manière dont les gens ont pu percevoir, la manière dont nos ancêtres ont perçu le monde. Quel est cet attrait qui vous a conduit à chercher les sensibles, les sensibilités? Oh bien écoutez, c'est l'influence dès l'âge de 19 ans de Lucien Febvre, ce grand historien de la première moitié du 20e siècle, qui avait invité déjà... Dans son livre sur Rabelais, par exemple, il disait « Ah, mais nos ancêtres ne flairaient pas de la même manière, donc ne sentaient pas. » Il a commencé par l'odorat. Ça m'avait beaucoup frappé à cette époque. J'étais pas le seul, nous étions plusieurs agrégatifs, comme on dit. Et dès cette époque, nous avions décidé qu'en nous pourrions de faire ce type d'histoire. Bon, j'ai remis ça plus tard parce que il fallait se couler dans les moules de l'époque, c'est-à-dire faire une thèse d'histoire économique et sociale, etc., ce que j'ai fait. Mais dès que j'ai été libre, en quelque sorte, je me suis dit, je reviens, et j'ai commencé donc par l'odorat, et ensuite par le bruit de la mer, donc ça ne m'a pas été très difficile de m'engager dans cette voie. Et justement, Alain Corbin, nous allons écouter Lucien Febvre, historien, qui, le 7 février 1948, et oui, son ancien, passait à la radio française pour se poser la question « Mais qu'est-ce qu'une civilisation ?» La scène se place à la fin du XVIIIe siècle. Dans les pays heureux de l'Europe occidentale, la France de Louis XVI, l'Angleterre des Georges, qui l'y fait bon vivre, du moins quand on a de l'argent. L'homme s'y plaît sur terre, il se regarde dans son miroir, il se trouve élégant, poli, de bonne manière, au-dessus des préjugés. Leur idéal est de bien-être. Le déclin même du christianisme les libère du souci angoissant de l'au-delà. Alors, un mot jaillit pour traduire leur contentement. Il jaillit en France comme en Angleterre aux environs de 1780. C'est le mot civilisation. C'est le mot civilisation, dit Lucien Febvre en 1948. Alain Corbin, Lucien Febvre avait évoqué une histoire possible du sensible. Mais cette histoire-là n'était pas encore écrite et l'université, de toute façon, ne portait pas ces objets d'études-là. Non, peut-être que si l'on cherchait bien, on pourrait trouver quelques historiens qui avaient, d'une manière un peu indirecte peut-être, abordé cela. Mais l'université avait des objets à l'époque extrêmement précis, hein, l'histoire économique et sociale, l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire des partis politiques, etc. Et moi, quand j'avais commencé à étudier les prostituées, puis c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à travailler sur l'odorat, c'est pour ça que j'en parle, ça c'était pas du tout à la mode. Non seulement c'était pas à la mode, mais c'était un petit peu graveleux, semblait-il. Hein. C'est vrai que vous évoquez, Alain Corbin, l'étude de ce monde particulier, celui de la prostitution, celui de l'érotisme, un objet historique présent à travers les siècles, évidemment, présent à tous les niveaux de la culture et même dans la culture populaire. Tenez, juste pour le sourire, Alain Corbin, une chanson de Ligeau, une chanson au cœur de l'entre-deux-guerres, une chanson qui s'intitule « Zézette et Kiki ». Entre Paris et Nantes, j'ai fait 100 lieues sans travailler. J'ai fait 100 lieues sans travailler. J'ai fait 100 lieues sans travailler. N'auriez-vous pas de l'ouvrage, maître, pour un jeune garçon sabotier? Pour un jeune garçon sabotier, pour un jeune garçon sabotier. Mais si, répond le maître, pourvu qu'il sache travailler. Pourvu qu'il sache travailler, pourvu qu'il sache travailler. Le maître tire de dessus sa souche, le jeune garçon se met à parer. Le jeune garçon se met à parer, le jeune garçon se met à parer. Il en para 5 à 6 paires, tout unis comme du papier. Ligeau qui chante Zézette et Kiki. Alain Corbin, vous avez écrit L'harmonie des plaisirs, les manières de jouir du siècle des Lumières à l'avènement de la sexologie. Quel regard porte l'historien sur une chanson, on peut dire paillarde tout simplement, mais qui, dans les années 1930, évoque malgré tout la réalité d'une société, ou en tout cas la manière dont les gens pouvaient vivre leur monde? Oui, pour rectifier certaines données, par exemple le mot « sexualité », n'existait pas dans la langue française, n'était absolument pas employé avant, disons, 1845-1850. On a du mal à imaginer cela. Il était employé en anglais et en allemand, mais pas en français. Et si on veut comprendre la sensualité, la sexualité, etc., il faut bien être persuadé qu'on ne connaissait pas l'orgasme, par exemple. Qu'on imaginait que c'était quelque chose de convulsif. Et que par conséquent, c'était à mettre dans la catégorie des cloniques, c'est-à-dire de toutes les convulsions, comme les maladies convulsives. Vous voyez comment on risque de faire de l'anachronisme quand on pense à la relation amoureuse de telle ou telle époque. Et là, je prends l'exemple de la première moitié du 19e siècle. Mais Alain Corbin, quand vous expliquez cela, le rapport au vocabulaire, bah oui. Parlons du vocabulaire, cela évoque aussi une réalité. Pour les gens qui ont vécu cela, ça voudrait écarter la notion de plaisir, ou en tout cas dire que la notion de plaisir était différente de celle d'aujourd'hui? Le vocabulaire, quand même, pèse hein, quelque chose. Mais, par exemple, ce que des sexologues par la suite prôneront, le plaisir simultané. Eh bien, les médecins, au moins je relève un médecin de la première moitié du 19e, qui dit qu'il faut chercher ce qu'il appelle, non pas le plaisir simultané, mais le spasme isochrone. C'est formidable comme expression, mais ça dit la même chose. Hein. En fait, sauf que, encore une fois, là, c'était un spasme. Hein, ce qui deviendra l'orgasme vers 1845, 1850-55, selon les pays. Hein, c'est un certain Kobelt, en Germanie, qui a compris que le plaisir féminin venait non seulement du clitoris, mais que le clitoris était innervé par toute une série de petits nerfs, et que c'est l'orgasme. Hein. L'invention de l'orgasme. Mais dites-nous, Alain Corbin, vous évoquez des sources médicales, en l'occurrence, l'historien du sensible que vous êtes, qui va chercher l'intime, et là nous parlons de la sexualité, donc nous sommes vraiment dans l'intime, doit peiner à trouver du témoignage. On le trouve, vous, ce témoignage? Quand on cherche quelque chose, on trouve pratiquement toujours des sources. Alors évidemment, dans ce cas-là, ce sont les médecins, les médecins qui étaient des grands spécialistes d'abord, parce que quand ils étaient carabins, bon, ils étaient assez libres, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, ils devaient être mariés, parce que ça rassurait la clientèle, hein, il fallait qu'ils soient mariés. Donc, si vous parliez de l'odorat, il y a des sources infinies durant la première moitié du 19e siècle, parce qu'on croyait que les maladies pouvaient se répandre par les odeurs, et par conséquent, c'était extrêmement important de repérer les odeurs, les miasmes, etc., qui pouvaient être dangereuses. Donc, vous voyez, on trouve des sources. On trouve des sources, et c'est vrai que la médecine est essentielle pour les sources. Et puis, il y a aussi le regard que porte l'historien sur d'autres sources. On peut penser à la littérature, par exemple. Bien sûr. Oui, mais alors là, il faut se méfier, si vous voulez. Le roman, j'y crois pas trop, parce que le roman a sa construction propre, si vous voulez. L'auteur ne fait pas attention à la vérité, même les naturalistes, hein, même à Zola, etc. On a dit qu'il y avait des tactiques d'illusion du vrai. En revanche, il y a une forme de littérature que je trouve être très valide, en quelque sorte. C'est certaines poésies lyriques. Je prendrai simplement un exemple. En ce qui concerne la mer, je me demandais quelles étaient les premières personnes qui avaient eu du plaisir à se jeter dans la mer, à se baigner, en un mot. Parce que les médecins qui faisaient baigner les femmes à 12 ou 13 degrés, c'était pas très agréable. Eh bien, c'est un poète, Stolberg, un poète germanique, donc qui, le premier, a écrit, à mon sens le premier, un poème dans lequel il décrit les plaisirs du bain de mer à la manière dont Valérie pourra les vanter un siècle plus tard. C'est-à-dire que le bain n'est pas simplement lié à l'hygiénisme, voilà. Mais il y a une notion de plaisir. Voilà, il y a un moment où on passe du bain thérapeutique, c'est-à-dire on se baignait pour les femmes pour calmer leur vapeur, etc. Donc, passage du bain thérapeutique au bain hédonique. Le bain hédonique. Mais alors, Alain Corbin, à vous écouter, c'est vrai que vous nuancez l'apport possible de la littérature, en tout cas la méfiance nécessaire de l'historien et de l'historienne face à la littérature, même Émile Zola. Et pourtant, vous êtes l'auteur du Miasme et de la Jonquille, l'odorat et l'imaginaire social. Et moi, je pense de suite à l'Assommoir et je fonce au lavoir, avec Émile Zola, bien sûr, mais également avec Simone Signoret. Elle tapait furieusement, riait, se renversait pour crier un mot dans le vacarme, se penchait au fond de leur baquet. Ordurière, brutale, dégingandée, trempée comme par une averse, les chairs rougies et fumantes. Autour d'elle, sous elle, coulait un grand ruissellement. Les seaux d'eau chaude, promenés et vidés d'un trait, les robinets d'eau froide ouverts, pissant de haut, les éclaboussements des battoirs, les égouttures des linges rincés, les mares où elle pataugeait, s'en allant par petits ruisseaux sur les dalles en pente. Et au milieu des cris, des coups cadencés, du bruit murmurant de pluie, de cette clameur d'orage s'étouffant sous le plafond mouillé, la machine à vapeur, à droite, toute blanche d'une rosée fine, haletée et ronflée sans relâche, avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage. Un extrait de l'Assommoir d'Émile Zola, lu par Simone Signoret. Alain Corbin, dans la recherche des sensibles, il y a ici du bruit, il y a des coups, on l'entend, il y a des corps. Zola parle de la chair. C'est vrai que cette chair, ce vécu de nos ancêtres est essentiel pour pouvoir comprendre leur manière de voir le monde et dès lors pour l'historien d'écrire et de décrire une période. Oui, bien sûr, là ça nous met dans l'avoir d'une certaine façon du point de vue objectif, peut-être plus d'ailleurs du point de vue de l'avoir lui-même que des impressions que pouvaient avoir les gens qui étaient dedans. Mais c'est une très belle page. Mais pensez par exemple au ventre de Paris, dans lequel il y a énormément de références olfactives. Donc il y a l'imaginaire, parce que lorsque le professeur Toulouse a passé Zola à son olfactomètre, un instrument qui permettait de savoir si les gens sentaient bien, eh bien Zola sentait mal. Alors, vous voyez la distance entre l'imaginaire de Zola dans le ventre de Paris avec toutes ses odeurs, et pourtant c'était un homme qui n'était pas très doué pour... c'était pas un nez. Mais c'est pour vous dire que le roman obéit aussi à une construction propre qui est celle de l'auteur, qui n'est pas forcément un très très bon, très très bonne source. C'est pourquoi j'indiquais plus la poésie, parce que quelqu'un, pour parler du bain de mer, j'y reviens, c'est qu'il faut l'avoir éprouvé. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le cas de Zola, c'est un imaginaire formidable, mais rien ne nous dit que, du point de vue sensoriel, il ait éprouvé ce dont il parle. Bien justement, Alain Corbin, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, je vous propose, c'est la magie de la radio, de vous installer à côté de moi. Nous allons à la mer. Oui. Parce que la mer, vous la connaissez parfaitement, c'est le territoire du vide, l'Occident et le désir de Rivage, 1750-1840, c'est le titre d'un de vos ouvrages, Alain Corbin. Installons-nous au bord de la mer. Alain Corbin, déjà être au bord de la mer nous rend serein. Oui. Malgré tout, la mer n'a pas été vue de la même manière selon les siècles, selon peut-être aussi les gens eux-mêmes. Vous, historien, quelle évolution avez-vous pu constater sur la manière de voir la mer ? Oh, les Romains, par exemple. Les Romains aimaient beaucoup regarder la mer, se promener en barque. Mais ils ne se baignaient pas dans la mer, ils se baignaient dans des thermes, vous voyez ? Et ensuite, pendant 1000 ans, on a détesté les rivages, on a détesté ce qui pouvait sortir de la mer. D'abord parce que on pensait que c'était malsain, qu'il y avait des monstres peut-être à l'intérieur, que ça n'avait pas d'intérêt. Ceux qui aimaient, les Anglais en particulier, se jeter dans de l'eau, aimaient mieux le faire dans une rivière, si vous voulez, des grandes propriétés. Et vers 1750, tout bascule, mais en 5-6 ans. C'est-à-dire qu'on se met à apprécier le séjour au bord de la mer. Et ça a d'abord été thérapeutique, c'est-à-dire ce que les Anglais appelaient invalide, valétudinaire, celui qui n'est pas en bonne santé. Oui. Alors là, je pense à un baronet Townley qui va dans l'île de Man, qui passe toute l'année 1789, dans l'île de Man, et qui décrit tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la brise fraîche qui vient de la mer le matin. Et ça, c'est merveilleux, vous voyez, mais c'est un tournant. C'est un tournant de l'histoire de l'humanité occidentale, hein, parce que, bon, qui me paraissait vraiment déterminant. Je prends l'exemple de ce monsieur, mais il y en a d'autres. Hein. Et on passe du thérapeutique à l'hédonisme, à l'extrême fin du 19e siècle. Si vous lisez Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, on est dans la plage contemporaine, en quelque sorte. C'est la plage contemporaine, c'est-à-dire que ça y est, avec Proust, et on va dire que les impressionnistes sont passés par là, Eugène oui. Boudin a déjà peint, ça y est, nous trouvons la station balnéaire avec la plage, comme cela nous intéresse. Auparavant, ce n'était pas le cas. Vous expliquez d'ailleurs que même voir la mer ne signifie pas la même chose selon les différents moments. Bien sûr. Au XVIIIe siècle, voir la mer, ça signifiait pour un aristocrate, un courtisan de Louis XV, si vous voulez, ça signifiait d'aller voir la tempête, telle que Joseph Vernet l'avait peinte et qu'elle était montrée au salon. C'est-à-dire, c'était se rendre à Dieppe. C'est pas pourquoi c'est particulièrement Dieppe, mais c'est ça, Dieppe. Aller voir la mer à Dieppe. Et certains revenaient en disant, « Oh là là, je suis allé à Dieppe et je n'ai pas vu la mer. » Qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr qu'il avait vu la mer, mais ça veut dire qu'il n'avait pas vu la mer en tempête. Vous, en historien du sensible, étudiez la mer, le territoire du vide, hein, l'Occident et le désir de rivage, est un livre que vous avez publié en 1988. À ce moment-là, c'est un livre qui dénote par rapport à l'historiographie. Vous êtes en pas de côté, Alain Corbin ? Un petit peu de côté, dans la mesure où surtout, c'était la navigation qui était intéressante. Les tempêtes, la navigation, les vents, la façon dont les Portugais avaient passé le Cap de Bonne-Espérance, etc. C'était ça, l'économie monde. de Brodel aussi, hein, bien sûr, La Méditerranée de Brodel, c'est un très, très grand livre, mais ce n'est pas un livre axé, en quelque sorte, sur ce dont nous parlons. Et alors justement, Alain Corbin, là nous sommes au bord de la mer, elle n'est pas démontée, nous sommes contents, il y a des mouettes, mais pour profiter de votre regard, je vous propose de continuer la balade, et c'est toujours la magie de la radio, nous pouvons passer directement de la mer à la campagne en un claquement de doigts. Alain Corbin, nous nous trouvons maintenant au milieu d'une douce campagne. Il y a des oiseaux, il y a sous nos pieds de l'herbe, la fraîcheur de l'herbe, histoire d'une gamme d'émotions de l'Antiquité à nos jours. Pourquoi s'intéresser à l'herbe ? D'abord, Victor Hugo avait fait du brin d'herbe un être qui pouvait dialoguer avec l'étoile. L'infini d'en bas, l'infini d'en haut. Vous voyez que pour les romantiques, c'était quelque chose qui avait attiré. Je ne cache pas que, étant originaire du bocage bas normand et que je n'ai quitté qu'à l'âge de 23 ans, si vous voulez, pour moi, mes premières sensations, comme certains poètes contemporains le disent, ont été l'herbe, hein, ont été être dans l'herbe. Et je crois que c'est très important dans la mesure où c'est en train de se perdre. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui ne naissent pas dans l'herbe, si vous voulez. Ils peuvent aller visiter une ferme dans laquelle il y aura de l'herbe, etc. À l'âge de 7-8 ans, une ferme école ou que sais-je. Mais il n'y a pas ce rapport à l'herbe qu'on pouvait encore avoir dans ma génération, durant les années 40, hein, si vous voulez, dans la profondeur du bocage. Donc ça m'est venu assez facilement à l'esprit. Oui, cette sensation de marcher pieds nus dans de l'herbe, voilà. Ce n'est pas rien. C'est vrai, ouais. Que c'est quelque chose qui se perd par la force des choses. Il y a de plus en plus de citadins. L'historien que vous êtes, Alain Corbin, en étudiant l'herbe, utilise ce petit brin pour partir sur l'analyse d'une gamme d'émotions. Parce que de l'herbe, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Et vous allez beaucoup plus loin. Oh bah, c'est infini. L'herbe, c'est la renaissance d'abord. C'est le souvenir du passé, mais c'est aussi la renaissance. C'est la fraîcheur aussi. C'est la nostalgie, même pour ceux qui ne l'ont pas connue et qui élèvent en quelque sorte des plantes sur les toits parisiens, hein, donc... Oui, de l'herbe légale ou illégale. c'est tout à fait... Et puis, il y a l'herbe dressée, celle décrite par Zola, puisqu'on y revient dans un livre qu'on ne lit plus, qui s'appelle « Les squares » de Zola, dans lequel il dit l'herbe des squares de l'Empire de Napoléon III, c'était une herbe maîtrisée, disciplinée, sur laquelle on ne devait pas marcher, qu'on pouvait simplement voir, regarder comme on regarde un tableau au musée. Donc, il y a des façons de traiter l'herbe, de l'apprécier, d'attendre d'elle des avantages. Par exemple, sous Napoléon III, on craignait beaucoup la tuberculose et on avait l'impression que emmener un enfant au jardin public, voilà, c'était de lui faire du bien, ça pouvait le guérir. C'était une herbe pulmonaire. C'est très beau comme formule. Une herbe pulmonaire, c'est très beau. Et vous parlez du règne de Napoléon III, mais en 1863, le tableau qui fait scandale est celui de Manet, qui est un déjeuner sur l'herbe. Ah ben ça, c'est la partie de campagne. C'est une herbe sociale. Hein. C'est différent de l'herbe originelle de l'enfant dont je vous parlais tout à l'heure. On dit toujours qu'en 1936, avec les congés payés, tout le monde était, les ouvriers étaient allés à la plage, c'est pas vrai. Je veux dire, il y en a, hein, il y a eu des trains. Mais Gabriel Désert, qui était le grand spécialiste des plages normandes, hein, qui est malheureusement décédé, m'a dit, franchement, c'est après la guerre, c'est avec la 4 chevaux Renault, qu'on a commencé vraiment à aller, quand on était un ouvrier, au bord de la mer. Mais, entre 36 et 40, on allait souvent sur l'herbe. On n'allait pas très loin de chez soi, on allait prendre l'apéro au bord de la rivière. Ça a été plus important quantitativement que le voyage au bord de la mer entre 36 et 40, parce que c'est une chose qu'on dit rarement, si vous voulez. Alain Corbin, nous nous trouvons en pleine campagne, nous nous trouvons sur de l'herbe fraîche, donc il y a le toucher, cette sensation de l'herbe, l'odeur bien sûr c'est magique, l'odeur de l'herbe fraîche coupée c'est encore meilleur, il y a le bruit du vent dans de l'herbe, et parfois, quand nous sommes à la campagne, nous entendons à une heure régulière des cloches. Ah oui. Ah les cloches. Les cloches de la terre, paysages sonores et cultures sensibles dans les campagnes au XIXe siècle. Alain Corbin, c'est le titre d'un de vos ouvrages. Les cloches, il y a comme une émotion à l'évocation de la cloche, parce que la cloche, c'est là aussi tout un univers qui nous rapporte peut-être à des origines, à la campagne par exemple, à notre enfance. Il y a quelque chose autour des cloches. Écoutez, j'ai vécu ma petite enfance sous un clocher. Donc, j'avais des cloches. Et quand j'ai, à l'âge de 60 ans, je suis repassé en voiture, en auto, devant ce clocher, à Longlet-l'Abbaye, dans le bocage normand. C'était l'heure de l'Angélus, les cloches sonnaient. Eh bien, à l'âge de 60 ans, alors que je ne les avais pas entendues entre 20 et 60 ans, j'ai reconnu mes cloches. Et j'ai compris comment les paysans de la Révolution, à qui on avait pris les cloches, qu'on avait souvent mises dans des entrepôts, qui les ont récupérées à la fin de la Révolution, disaient « ça, c'est notre cloche, celle-là, c'est pas la nôtre ». C'est extrêmement intéressant de voir comment des gens qui n'avaient pas fait d'études particulières, d'histoire de l'art ou que sais-je, étaient capables, 2 ans après ou 2-3 ans après, de reconnaître le son de leur cloche. Et ça, je suis absolument persuadé, pour l'avoir vécu, que c'est une réalité. Mais les cloches, on ne pouvait pas s'en passer au 19e siècle, puisque c'était ce qui annonçait bien sûr les victoires, les défaites, etc., mais qui annonçait les morts, mais qui, il y avait toute une rhétorique des cloches, c'est-à-dire qu'on vous disait que telle façon de sonner le glas vous disait que c'était une jeune femme qui était morte, ou un vieux. Donc, il fallait connaître la rhétorique de la cloche, et cette rhétorique variait selon les cantons. C'est-à-dire que quand on déménageait, on devait souvent réapprendre pour ne pas commettre d'erreur et de prendre comme tel curé qui croyait qu'il y avait un incendie alors que c'était je ne sais plus quoi, un trépas, et qui faisait venir les pompiers parce qu'il ne connaissait pas le langage, la rhétorique des cloches de campagne. La rhétorique des cloches de campagne et cette émotion qui nous relie à ces sons. Vous la faites passer, Alain Corbin, cette émotion, moi je la ressens et je pense que les auditeurs et les auditrices aussi, à l'évocation de la cloche qui est un objet politique, la cloche, ah le oui, tocsin. Bien sûr, puisqu'elle annonce d'abord les victoires et les défaites, comme je le disais, l'arrivée des bandits, et puis surtout, elle confirme, c'est-à-dire que on apprend que l'empereur, là où le roi, etc., a été battu, etc., mais c'est une rumeur, et la rumeur c'est important, c'est essentiel, parce qu'on parle des téléphones portables, etc. aujourd'hui, mais la rumeur était alors essentielle. Et la cloche tout d'un coup confirmée, voilà, il y avait une force de confirmation, comme d'ailleurs le discours du maire, souvent à la sortie de l'église, sur les murs du cimetière, cette parole du maire, mais encore mieux la cloche, confirmée, telle rumeur ou l'infirmer, voilà. Alors, il y a cette cloche politique de l'événement exceptionnel, celle qui confirme la rumeur, et puis il y a la cloche du quotidien, celle de l'Angélus, celle qui annonce que la journée de travail est terminée. Elle est essentielle, celle-là aussi. Oh, ben non seulement elle est essentielle, mais j'ai vécu, si je puis dire, en 1958. Europe 1, la radio, est venue à Longlet-l'Abbaye où j'habitais, parce qu'il y avait un drame de cloche. C'est-à-dire que le clocher avait été détruit en partie au moment en 1944 et ça avait été remplacé par une sirène parce que les paysans avaient besoin, on disait les paysans, c'est pas du tout, mais c'est comme ça qu'on les appelait, les paysans avaient besoin de connaître l'heure. Et donc, ils entendaient bien la sirène. Quand on a rétabli les cloches, parce que tout était reconstruit, ils n'étaient pas contents. Il y a eu une émeute et j'ai été mêlé à cette émeute de cloches. Les gens du bourg ont été pris à partie par des paysans qui sont descendus. On a reçu quelques pierres dans la façade à cause du rétablissement des cloches, alors qu'ils voulaient conserver la sirène qui était sur notre toit. D'ailleurs, on avait un peu assez. Eh bien, vous voyez comment cette aventure de 1958 m'a fait me rendre aux archives, dans la série V des archives départementales. Je me suis aperçu qu'au 19e siècle, il y avait au moins 10 000 affaires de cloches. C'est-à-dire des combats du type de celui que j'ai vécu en 1958. Comme quoi l'expérience incite quand même l'historien à regarder de plus près. C'était un enjeu formidable au 19e siècle. Le droit de sonner. Vous vous rendez compte, le droit de sonner. Au moment de la victoire de la République a donné aux maires le droit de sonner à la volée. Parce qu'il y a plusieurs façons de sonner. Et certains maires n'ont pas pu rentrer dans l'église. Parce que le curé ne voulait pas qu'il sonne à la volée. Moi, j'avais vu un télégramme d'un maire qui disait « Impossible sonner, curé prend un revolver ». Ce qui est fascinant, Alain Corbin, de se promener avec vous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est qu'un son de cloche nous envoie à une lecture du passé, une lecture de ce qu'ont pu ressentir nos ancêtres, une lecture politique aussi, on l'évoque avec la cloche qui annonce la victoire, et puis toujours en se promenant dans la campagne, parfois on entend tout simplement un train qui passe comme ça. En l'occurrence là, c'est une locomotive à vapeur. Alain Corbin, une locomotive à vapeur passe à travers la campagne. Pour essayer de comprendre une période, en l'occurrence là le 19e siècle, nous étudions les textes, nous regardons la littérature, tout ce que nous avons sous la main. Mais pour saisir ce qu'ont pu vivre les gens, il faut peut-être un moment essayer de se mettre à leur place, essayer de comprendre. Et un paysan qui voit pour la première fois passer une locomotive à vapeur à l'autre bout de son champ, mais qu'a-t-il pu ressentir ? Alors là, vous mettez le doigt sur l'essentiel. L'histoire, c'est un voyage. C'est un voyage dans le passé. C'est un voyage pour enfiler la peau des autres, pour essayer de les comprendre. C'est l'histoire compréhensive. Ne rien refuser d'entendre et à l'écoute de tout. Et surtout de la différence, parce que ce que vous évoquez là, c'est la différence. Aujourd'hui, un paysan qui voit passer une locomotive, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc effectivement, se mettre dans la peau des autres, c'est essayer de comprendre non seulement ce paysan, mais celui qui est à l'intérieur des wagons. Et il y a une page magnifique de Victor Hugo. Avant les années 50, je n'ai plus la date. En 1837, Victor Hugo raconte son expérience ferroviaire. Dans laquelle il énumère tout ce qu'on pourrait vouloir saisir de la part d'un historien des sensibilités. Il faut beaucoup d'efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route. Il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s'emporte. Il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d'eau bouillante. Parce que Victor Hugo, c'est une lyre, en quelque sorte, magnifique. Et la façon de... Est-ce qu'on peut voir les lointains ou non? Est-ce qu'il y a des trépidations? Est-ce que les arbres paraissent verticaux? Il y a toute une série de problèmes quand on réfléchit aux premiers voyageurs. Ça a été vécu pour les autres, ça a été vécu pour l'avion, c'était vécu à propos. La motocyclette, par exemple. Moi, j'avais donné un travail à un étudiant sur la motocyclette au 19e siècle. Il m'avait dit, mais comment? Une motocyclette au 19e siècle? Oui, il y en a eu pendant deux ans. C'est 1898-1899. Eh bien, c'était des expériences sociales très, très, très différentes. C'était des jeunes gens. Vous savez, des sportifs qui avaient l'habitude du cheval, qui achetaient les premières motocyclettes pour frimer, on pourrait dire aujourd'hui, mais ça marchait pas très longtemps. Alors il allait les reporter chez le réparateur de machines agricoles. et qui essayait de bricoler comme il pouvait la motocyclette, si bien qu'en 99, cet étudiant avait remarqué qu'il y avait deux catégories qui avaient une motocyclette, c'était des nobles ou des réparateurs de machines agricoles. Donc à la fin du 19e siècle, c'est ça, c'est que les réparateurs de machines agricoles avaient récupéré les quelques motocyclettes qui existaient. Mais vous voyez, ce qu'on dit là, c'est que au moment d'une lecture, alors que ce soit n'importe lesquels, Hugo, Balzac, n'importe qui, et qu'il y a l'évocation d'un train, ça veut dire quelque chose de fort. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, habitués à toutes ces sonorités, à toutes ces images, nous nous rendons sans doute moins compte de l'importance que ça a pu être pour ses contemporains. Oui, bien sûr. Mais si on veut comprendre les hommes du passé, faut d'abord savoir la novation dont vous parlez, hein, qui est émerveillée, mais faut prendre en compte tout ce qu'ils ne savaient pas. Et ils ne savaient pas grand-chose, hein, par rapport à nous. Donc, quand on lit Balzac, quand on lit Flaubert, quand on lit Zola, comme on vient de le faire, on oublie ce qu'ils ne savaient pas. Ça, c'est essentiel. C'est oui. Essentiel. C'est-à-dire que on sait qu'en histoire, un des plus grands pièges est la téléologie, c'est-à-dire expliquer le passé par ce que l'on connaît, ce que c'est devenu ensuite. C'est vrai que ça, c'est le piège classique. Ouais, maintenant, mais enfin, on se fait prendre souvent. Oh, bah, souvent. Moi, j'ai fait un peu scandale, peut-être un peu récemment, dans la revue Critique, où j'ai fait un article pour dire que La République ne paraissait sans doute pas inéluctable aux gens qui vivaient au milieu du 19e siècle, alors que c'est traditionnel, hein, chez les historiens de lire le 19e siècle comme celui de l'avènement continu de la République. Non, c'est un chaos politique, un mélange de larmes, de révolution, de haine de Paris, de constitution de la province, etc. Et dans tout ça, le bétail qui se vend bien ou qui se vend mal et tout ça, ces gens qui étaient enfouis dans le milieu du 19e, je prends l'exemple du milieu du 19e, pensaient sans doute pas beaucoup à la République, c'était des militants qui s'occupaient de ça. Ça n'avait rien d'inéluctable, hein, pour eux. Non, ça n'avait rien d'inéluctable, et effectivement, les gens du 19e siècle, quand ils regardaient les expériences passées et les expériences européennes, avaient des monarchies tout autour, donc la République était une option minuscule. Oh, peut-être pas minuscule, et puis il y avait vraiment quelqu'un comme le vieux Victor Hugo, par exemple, était un emblème. Mais j'ai signalé quelque chose à ce propos, parce que si je vous demande quelle est la plus grande manifestation parisienne du 19e... Eh ben, si vous citez Victor Hugo, j'aurais tendance à dire 1885. Tout le monde va me répondre ça, l'enterrement de Victor Hugo, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a un grand événement dont personne ne parle, si vous voulez, c'est le triomphe du duc d'Angoulême, sous la Restauration, parce qu'il était le vainqueur de l'Espagne. Mais il y a eu un monde fou. Vous voyez, comme quoi il faut faire attention à l'anachronisme, et il faut écouter ce que disait Cicéron, l'historien ne doit rien refuser d'entendre. C'est une phrase magnifique pour quelqu'un de l'Antiquité. L'historien ne doit rien refuser d'entendre. Et parfois, Alain Corbin, il faut savoir entendre le silence. Vous avez écrit « Histoire du silence, de la Renaissance à nos jours ». Comment un historien en arrive à écrire sur le silence qui est l'absence de son, mais peut-être pas, le silence, ce n'est pas l'absence. C'est pas, non, mais non. Des silences, bien sûr. Mais j'étais parti il y a 20 ans sur un petit article pour célébrer un de mes collègues qui est parti à la retraite. C'est la vie de Rancé, c'est vie de Rancé de Chateaubriand. Son confesseur lui dit, oh, vous allez aller à Soligny-la-Trappe. Pour essayer de comprendre ce qu'était la vie de Rancé, l'abbé de Rancé qui avait réformé la trappe du 7e. Donc alors, vous faites moine trappiste. Et Chateaubriand arrive, et alors là, ce qui m'avait frappé, c'est pourquoi j'avais fait cet article il y a 20 ans, etc., c'est que là, on touche deux silences. C'est-à-dire que ce magnifique Chateaubriand ne comprend pas le silence de Rébédran. C'est pourquoi ? Parce que le silence pour cet homme, Chateaubriand, c'est le silence du côté du sublime, vous savez, les vents, les tempêtes, les forêts, et il arrive chez l'abbé de Rancé, 29e instruction de l'abbé de Rancé, c'est le silence monastique. Et c'est tout un silence qu'il est très difficile pour le romantique de pénétrer. Et tous, à mon sens, la lecture de cette vie de Rancé, dont Raymond Barthes a fait une très belle édition, c'est la difficulté, parce qu'il est de bonne foi. Il vient pour comprendre Rancé, et il en parle, il n'est pas idiot, et il voit bien quand même que c'est un silence mystique, que c'est la préparation à la mort, puisque au moment où il meurt, Rancé dit « Taisez-vous, je veux, pour mes derniers instants, être dans le silence ». Ça, c'est pas le silence du René de Chateaubriand avec les cheveux verticaux sur la tête au bord de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà deux silences. Un silence de la nature et le silence mystique qui culmine au moment de la mort, des derniers instants dansés. Donc, c'était difficile pour Chateaubriand. Et pour l'historien, est-ce que c'est difficile alors d'approcher le silence? L'historien, il doit filer la peau des autres, c'est-à-dire être à l'écoute, ne pas s'imposer. C'est pas toujours facile. Il est évident qu'il ne comprend pas tout, il ne comprendra jamais tout, et que l'histoire est un voyage, mais c'est un voyage dans lequel les gens que l'on croise demeurent impénétrables, finalement. Ils sont impénétrables, ces gens-là. Alain Corbin, on termine juste ce voyage en changeant magie une dernière fois d'ambiance. Cette fois, nous allons dans la rue, une rue d'une ville du 19e siècle. Alain Corbin, nous sommes dans une ville du 19e siècle. Vous avez parlé du silence, mais non, la ville du 19e siècle, et surtout du premier 19e, c'est le tapage. C'est le tapage, vous n'imaginez pas le nombre de cris. Il y a le cheval, qu'on vient d'entendre, qui est sur les pavés, il y a les tueries, il y a les marchands, il y a les cris de Paris, des marchands qui proposent leur victoire, il y a les artisans qui disent vitrier, vitrier, etc. Bon, enfin bref, c'était un tapage. Et les cloches, hein, et les cloches de toutes sortes, les cloches de monastères, les cloches des maisons d'éducation, etc. Vous imaginez pas le bruit qu'il y avait là. Et là, Jacques Léonard, un historien malheureusement disparu très tôt, remarquait qu'il y avait des étages dans les immeubles dans lesquels il y avait des forges. Alors vous imaginez au deuxième étage une forge. Non, mais c'était fou, hein, c'était fou. Avec des vaches qui passaient dans la rue. Ah ben il y avait les vacheries. Eh oui. Les vacheries bien sûr, du colonel Chabert, de Balzac. Il fallait du lait. Je crois que je peux en parler de Michel Perrault, qui est une amie, qui m'a confié un jour que sa mère, qui était à ce moment-là très âgée, dans son enfance, lui avait dit qu'elle allait chercher son lait boulevard à Spahir. Oui. Donc il y avait les vaches. J'ai appris de m'excuser d'évoquer ça, mais quand même, ça c'est révélateur par rapport à ce que nous connaissons. Hein. Mais Michel Perrault qui est venu nous parler dans le cours de l'histoire déjà, vous avez le droit, parce que c'est un peu aussi notre marraine Michel Perrault, donc vous avez le droit de raconter que sa maman allait chercher du lait boulevard Raspail. Alain Corbin, cette balade, nous voulions la faire avec vous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une promenade à travers la campagne, au bord de la mer, vite fait comme ça, dans une ville. Vous, aujourd'hui, qui avez tant travaillé sur les sensibilités, quand vous vous retrouvez, je sais pas moi, au milieu d'un champ, près de la mer, dans une rue, vous arrivez à percevoir, vous vous dites, tiens, ça, quelqu'un du 19e siècle, il aurait pu voir ça. Ça, il n'aurait pas pu le voir, ça, il n'entendait pas, ça ne marche pas. Vous le ressentez parfois? Je le ressens, mais aussi pour une autre raison, c'est que j'aimais beaucoup la géologie quand j'étais étudiant. et que je la vois quand je traverse la France. Je sais ce que c'est qu'une butte témoin, je sais ce que c'est qu'un synclinal ou un synclinal perché, une cuesta, etc. Plus personne ne s'intéresse à ça. C'est dommage. Même, je sais pas, mes grands-enfants dans la cinquantaine, quand je leur parlais, j'ai en auto que je traversais, j'ai dit, ouais, là-bas, une butte témoin. Bon, alors là, même à ma professeure de géographie d'aujourd'hui, ça ne l'intéresse plus du tout. Donc, il y a des façons de regarder, des façons de voir qui sont liées au passé et qui sont liées au métier d'historien, tout simplement. Et le monde est plus riche quand on arrive à le décrypter et à percevoir ce qu'ont ressenti nos ancêtres. Ah, sans doute. Mais enfin, ça, je ne sais pas. C'est un plaisir, surtout. Hein. L'histoire, c'est un plaisir. Hein. C'est avant tout, c'est pas tellement un travail. Si on travaille comme quelque chose de laborieux, si l'histoire est laborieuse, non, j'y crois pas. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter, Alain Corbin. Merci beaucoup de cette promenade en votre compagnie. Mais merci de votre invitation. Et maintenant, nous retrouvons Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Alors, nous sommes en janvier, mais vous nous emmenez au bord de la mer dans le journal de l'histoire ce matin. Quand on pense aux plages bondées de l'été, royaume de l'hédonisme pour certains, cauchemar absolu pour d'autres, pense-t-on à l'histoire ? Pourtant, elle s'inscrit sur le sable, aussi bien que dans les montagnes, les forêts et les villes. Si les plages de Los Angeles font aujourd'hui figure de véritables melting pot, un baigneur blanc et un baigneur noir ne sont pas traités de la même manière par les autorités. Si les plages apparaissent comme un lieu de libération des corps, celle-ci nourrit les peurs, le mélange potentiel inquiète. Restituer à la plage son histoire sociale et politique, c'est le travail d'Elsa Devienne dans sa thèse sur les plages de Los Angeles des années 50 aux années 70. Dès les années 20, avec le développement des voitures et des transports publics, la plage est intégrée à la vie urbaine et devient l'emblème du mode de vie californien, un élément constitutif de l'identité régionale dont s'emparent les habitants avec enthousiasme. La plage où l'on se dévoile ne fait pas pour autant l'impasse sur les hiérarchies sociales. Entre les années 20 et les années 70, elle fait l'objet de revendications d'un « droit à la plage » de la part des minorités noires et latino-américaines. Notamment en organisant des swim-ins pour protester contre la ségrégation des loisirs, en se rendant sur une plage qui leur est refusée afin de s'y baigner et de revendiquer leur droit d'accès. Le droit aux loisirs n'est pas réglé par la fin légale de la ségrégation raciale dans les années 60 et des résistances pernicieuses se mettent en place pour limiter, si ce n'est l'accès, le confort des minorités dans un espace de détente mais aussi dans un espace de spéculation lié à l'explosion du goût pour les joies du bord de mer. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Quitter la plage, c'est un autre aspect de ce cadre idyllique mis en histoire. Guillaume Robillard, dans The Conversation, propose un article sur la plage comme lieu de mémoire de l'esclavage dans le cinéma antillais. Pour achever le cliché du « sea, sex and sun » des cartes postales caribéennes, Robillard décrit comment le sable du littoral se fait le décor privilégié du meurtre ou du deuil. La côte est le lieu privilégié de la mort dès le premier film produit et réalisé sur place, le premier film d'Omien, celui de Jean-Paul Césaire en 1977, « Dérive » ou « La femme jardin », inspiré de la nouvelle « Alléluia pour une femme jardin » du poète haïtien René de Pestre. Une morbidité que l'on retrouve dans « Sucre amer » de Christian Lara, sur le procès d'un affranchi qui a combattu la restauration de l'esclavage en Guadeloupe, sur ordre de Napoléon. Bouteille brûlée, qu'on savonne, les couches la sonne, tout fait rêver, panimonié, poussi spawn, en goulant. La plage est le lieu de la mise à mort ou de l'annonce de la mort, l'endroit où s'échouent les rébellions, mais également celui où les esclaves se cognent contre la mer. La côte représente l'impossible liberté, imprégnée de l'imaginaire marron des esclaves en fuite, des individus en errance. C'est aussi là que débarque le conquérant européen, le point de départ du génocide amérindien, puis de la traite négrière. La plage filmée reste le lieu de l'impossible liberté et aujourd'hui, selon les mots de Guillaume Robillard, c'est précisément là que les cinéastes proposent désormais de conquérir cette dernière. Bonne baignade et bonne année à toutes et tous. Eh bien, voici la plage réhabillée pour l'hiver. Tous les liens et les informations utiles pour assouvir votre curiosité sont à retrouver sur la page du journal de l'histoire franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Camille Andréane, Toscane Viudès, Marion Dupont et Anaïs Quien. Les émissions peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et vous pouvez venir en discuter sur notre groupe Facebook Le cours de l'histoire. Demain, des plumes et des pinceaux pour une exploration de la culture visuelle des Antilles à l'Afrique et du Canada à l'Europe. Une exploration avec Anne Lafont.